C'est la South State volume 1. Ah, 2011 promis. DJ Kassai Riders. Tu trompes pas ta corde. Ce soir je débarque, suce ma bite et sur toi je me tape des barres. De Angers à Montpellier, ça peut pas tester, tu sais. Jusque devant mon palier, ça vient même me sucer. Originaire du 34, encore rabat, je vais faire taire toutes ces pédales. Certains sont pédés comme des fuckers, de sorte du moins un fucker. Moi je baisse pas le fucker, c'est le ricanement que je vais les fuckers. Moi je leur sors une cartouche lyricale, vois. Ils s'écartent tous, je ricane. Moi j'ai le cerveau baisé depuis que j'éjacule. Et ceux qui veulent me péter, t'inquiète, je les calcule. Que t'aimes ou t'aimes pas le thème, moi franchement je m'en bats. Cache à l'arrache au mec, je me lâche et franchement je m'en bats. Je suis du genre à kicker ça pour représenter mes sraps. Même dans tous les états, sans cette gangsta shit. De temps en temps, mais si tu me tentais brusquement dans le vent, rapidement je prends les devants. Chez moi pas de bise, je verrai bien où mène la tise. Si la vie est pleine de vices, hein, c'est qu'elle est grise, je relativise. Pas en jouant toujours sans arrêt à ma bonne console, mais en teasant toujours fracassé. Ma gueule d'alcool ou bien choper une feuille pour écrire. Ben laisse-moi taper mes délires. Dis-moi qu'est-ce que t'as, gars, t'es pas cordala. Posé sans arrêt chez moi, je reste encore arraché là. Toujours gangsta shit, alors qu'est-ce ta chute? Ça sera dans ta chatte. À ce jour contre le gâchis, si t'es une jolie bitch, je t'appellerai ma biche, biche. Si t'as MC crash égaré qui veut tester, je t'appellerai attrapé et respecté. Ride-azé, toujours en ride, mais toujours trop die, mais toujours West Side. West Side.